cloule aux tétons énormes. Je te lèche le cul sur l'île de mes ennuis. Je te baise et tu cries. Je te perce l'hymen, je m'y sens si bien. Tu me suces, tu me la tiens. Je balance comme une avalanche. Je t'encule et ça me brûle. La mer est si proche, tu es tellement moche que je m'envole. Et du foutre plein les yeux. Ah qu'il fait bon auprès de ces gros seins magnifiques. Ah qu'il fait bon auprès de ces gros seins magnifiques. Je te lèche le cul sur l'île de mes ennuis. Je te baise et tu cries. Je te perce l'hymen, je m'y sens si bien. Tu me suces, tu me la tiens. Je balance comme une avalanche. Je t'encule, ça me brûle. La mer est si proche et tu es tellement moche que je bande. Et du foutre plein les yeux auprès de ces gros seins magnifiques. Qu'il fait bon, ah, qu'il fait bon. Auprès de ces gros seins magnifiques.